Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 112. De la mission des bons anges. Les anges reçoivent une mission. Quels anges sont envoyés en mission? 1. Y a-t-il des anges envoyés pour remplir un ministère? Il est écrit, j'enverrai mon ange qui vous précédera. Exode 23, 20. Il a été dit précédemment que les anges administrent les créatures corporelles. Il est évident que, quand une chose est faite par eux, leur vertu est appliquée à une créature corporelle d'une nouvelle manière. Comme cet effet émane des ordres divins, les deux conditions d'une vraie mission se trouvent remplies, il y a un changement dans leur existence, et leur action procède de Dieu comme de son premier principe, il y a, de plus, fonction d'un ministre, puisqu'après avoir accompli la mission dans laquelle ils ont servi d'instruments intelligents, ils retournent à Dieu. Les anges, on le voit, sont envoyés pour remplir un ministère. Note. Leur dignité n'est point altérée par cette mission. Il en est de comme du roi qui n'est point assis sur son trône, ils n'en sont pas moins supérieurs à nous. Leur bonheur n'est pas non plus diminué, ils ne sont point privés des joies de la contemplation, ils servent Dieu avant tout, et ensuite les hommes, dans lesquels ils voient l'image de Dieu, mais, en servant les hommes, c'est Dieu même qu'ils servent. Fin de la note. 2. Tous les anges sont-ils envoyés pour remplir un ministère? Les bataillons supérieurs, dit saint Grégoire, ne sont pas occupés à des ministères extérieurs. Il n'est pas, en effet, de ministère si grand qui ne puisse être exercé par les ordres inférieurs. Les archanges annoncent les plus grandes choses, comme on le voit par l'archange Gabriel qui fut envoyé à Marie. Quel ministère fut jamais plus grand que celui-là? Demande saint Grégoire. Il faut donc dire simplement que les anges supérieurs ne sont jamais envoyés pour remplir un ministère. Note. Quand saint Paul enseigne que tous les anges sont envoyés, Hébreux 1, 14, cette parole doit s'entendre de la mission invisible. Le séraphin qui fut envoyé pour purifier les lèvres d'Isaïe était un des anges inférieurs appelé figurément séraphin, c'est-à-dire brûlant. Comme il agissait au nom d'un séraphin, il pouvait emporter la dénomination. Fin de la note. 3. Les anges qui sont envoyés assistent-ils? Tous les anges voient immédiatement l'essence divine, et, sous ce rapport, tous sont assistants. Ces paroles de l'ange à Tobie, 12, 15, « Je suis l'ange Raphaël, l'un des sept qui nous tenons devant Dieu », se rapportent à ce premier mode d'assistance. Mais ceux qui composent les premières hiérarchies méritent proprement ce nom, car, à vrai dire, les anges envoyés pour un ministère n'assistent pas. Les véritables assistants sont ceux qui ont la prérogative d'être immédiatement illuminés de Dieu et d'illuminer les autres, c'est par eux que les anges inférieurs connaissent les mystères divins. 4. Les anges de la seconde hiérarchie sont-ils tous envoyés? On n'aperçoit rien dans le mot domination qui indique l'exécution d'un commandement, on y voit, au contraire, l'action de transmettre des lois. Mais les noms des ordres qui viennent après les dominations impliquent tous l'accomplissement d'un ordre reçu. Ainsi, les mots vertu, puissance, principauté, archange, ange, ont évidemment trait à des opérations extérieures. C'est donc aux cinq derniers ordres qu'il appartient d'être envoyé pour accomplir un ministère, et non aux quatre ordres supérieurs. Note. Les dominations, que l'on range quelquefois dans la classe des anges qui peuvent être envoyés, ressemblent aux architectes qui, sans être employés à l'œuvre même, disposent les choses et assignent le travail à chaque ouvrier. On ignore si le nombre des anges qui assistent surpasse le nombre de ceux qui sont envoyés. D'un côté, il est écrit, 1000 milliers d'anges le servaient, de l'autre, il est dit, 1000 millions d'anges l'assistaient. Daniel 7, 10. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en réalité le nombre des anges est supérieur à celui des êtres corporels. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.